Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Alors, je me nomme François Marginat, je serai aux commandes ici de l'émission pour la prochaine heure et demie, nouveau format. Nous sommes revenus au format de 1h30. Nous avions un format avant qu'on se quitte au mois de juillet ou de 2h. Alors, voilà, donc votre rendez-vous hebdomadaire. Et puis, nous serons au rendez-vous encore là pour toute la session pour vous apporter les nouvelles les plus importantes, défricher cette jungle informationnelle et puis essayer de vous donner vraiment toutes les informations complètes pour que vous puissiez vraiment vous former une meilleure perspective de ce qui se passe dans le monde, prendre des meilleures décisions, dans le fond, vous montrer toutes les pièces du casse-tête, non seulement qu'un côté de la médaille. On va vous montrer les deux côtés de la médaille, on va vous donner les informations telles qu'elles sont, sans essayer de les plier, de les twister, de les tordre, hein, donc pour leur faire dire ce qu'on veut ou faire penser ce qu'on veut. Alors, on n'est pas ici pour contrôler votre pensée, comme on disait souvent. On est là pour la stimuler, pour que vous posiez des questions, pour vous aiguiller vers des pièces d'information qui méritent votre attention et que vous alliez, dans le fond, les vérifier et puis vous en tirer les propres conclusions, vos propres conclusions. Donc, c'est un peu ça ici, le but de l'émission. Nous en sommes à notre 216e officiellement. Il y a eu des reprises là sur le site. Si vous allez voir, on en serait à la 218e en réalité, là. Ça, c'est très intéressant aussi. N'oubliez pas que l'émission est diffusée sur les ondes, les cyber-ondes de la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, donc de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, une radio alternative où on peut vous rapporter les choses telles qu'elles sont. Alors, l'information n'est pas contrôlée par des intérêts financiers ou idéologiques. Donc, bienvenue sur cette émission et puis vous êtes nombreux à l'être. Alors, en vous remerciant toujours d'être présents. Et comme j'étais pour dire, si vous allez sur la page de L'Autre Monde sur le site de Choc FM, eh bien, vous allez retrouver non seulement l'émission de la semaine, mais celle de toutes les émissions précédentes. Alors, la première émission de L'Autre Monde est entrée en onde le 28 janvier 2007. Alors, voilà, donc quand même une bonne route avec vous. C'est tout le temps un plaisir. Alors, nous en sommes à l'édition maintenant du 14 janvier 2013, imaginez-vous donc. Donc, le temps passe, et puis, ben voilà quoi, nous sommes toujours privilégiés de vous avoir. Et puis, justement, parlant de privilégiés, ben, j'ai de nouveau, en fait, de réguliers messages de vous, de nombreux messages qui arrivent soit sur, en réalité, bien souvent à travers la chaîne YouTube de L'Autre Monde, alors qui est mise en place et entretenue par notre super correspondant français Stéphane Poutoir, que je remercie au passage et que je salue bien bas. Alors, pour tout son fantastique travail sur la chaîne, alors qu'il nous aide à chaque semaine à la mettre en onde et la découper et puis à vous la rendre accessible. Alors, c'est un plaisir aussi de collaborer avec des gens aussi généreux qui le font gratuitement de leur bon cœur. Alors, réellement, là, c'est très apprécié et puis jamais pris pour acquis. C'est avec pleine gratitude. Alors que je te remercie, Stéphane. Alors, toutes sortes de messages aussi qui vous arrivent, en fait, qui m'arrivent de vous. Et puis, je tiens à vous remercier quand même. Des fois, on n'y pense pas, on pose un geste, on prend juste 2-3 minutes, on envoie un petit mot, et puis on connaît pas réellement l'impact de ce que ça a un coup que c'est lu de l'autre côté de l'écran. Vous savez, j'apprécie beaucoup avoir vos messages, et puis vous avez pas idée comment ça fait plaisir, dans le fond. Réellement, moi, en faisant ça, tu sais, je m'attends pas nécessairement à de quoi, là, tu sais, c'est vraiment un don, là, tu sais, on envoie ça, puis on espère que les gens apprécient, tout simplement. Alors, quand ça fait plaisir en plus, et puis que les gens prennent le temps d'écrire un mot, ben ça fait extrêmement plaisir. Donc, je tenais à vous le dire, là. Puis, au passage, ben c'est ça, je vais vous en lire quelques-uns pour exemplifier un peu ce que je veux dire. Donc, vous avez ici Franco de Taille. Alors, évidemment, c'est les noms, là, d'identifiants sur notre chaîne, des gens qui nous visitent là-bas, qui sont membres de la chaîne. Alors, bonjour monsieur, j'écoute toutes vos informations que vous postez sur votre canal et je ne peux que vous en remercier. Ça fait vraiment bien savoir que des gens comme vous se battent pour dire la vérité. Alors, merci. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous savoir que vous êtes là. Sur la page aussi de la dernière émission de la semaine passée, vous avez un paquet de personnes d'ailleurs qui nous ont écrit, dont ce Franco de Taille qui dit « Votre voix est écoutée jusqu'à l'autre bout de l'océan. Merci. » Très heureux de ton retour, écrit Phil Couture. J'aimerais obtenir plus d'informations au sujet du système de fiction légale ou fiction juridique que tu as abordé. Merci et félicitations pour votre beau programme. Le système de fiction légale, écoutez, c'est tout un dossier. Je me suis penché là-dessus pendant quand même plusieurs années, là, donc c'est... J'essaie d'en toucher des morceaux, là, peu à peu. Je vais essayer de, dans le fond, là, de vous expliquer un peu au fur et à mesure des émissions, puis que le temps va avancer, ce qu'il en est de cette histoire-là, parce que c'est difficile à couvrir vraiment en une émission de faire le tour. J'avais une émission avec un invité dans le passé où on avait parlé un peu de ça. Et puis vous pouvez peut-être aller voir cette émission dans le passé. Je pense que c'était avec M. Normandin, si je me rappelle bien. Et Jacques-Antoine Normandin. L'émission s'appelait L'humain qui fait plier le système. Qui avait été diffusée. En fait, Stéphane Poutoir nous écrit le 04-1/9 invité de l'autre monde, Jacques-Antoine Normandin. Alors vous allez voir si vous entrez cette ligne dans un moteur de recherche là, sur le site, là. Alors peut-être vous allez vous devriez trouver l'émission. Et puis ce n'est pas la seule, en réalité, j'ai trouvé beaucoup d'informations à travers différents pays, là. Autant en Angleterre, ce mouvement est en place là, se développe aux États-Unis, au Canada. Donc, il y a plusieurs pays, dans le fond, là, il y a plusieurs pays où on voit ce mouvement-là se développer. Puis c'est un mouvement, dans le fond, qui apporte l'attention sur les gens, en fait, pas sur les gens, mais qui cherche à attirer l'attention des gens sur le fait que on vit dans différents systèmes légaux. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a la loi commune, puis il y a la loi aussi commerciale. Et puis, dans la sphère commerciale, eh bien, se retrouve... Ben pas étrangement, mais dans le fond, c'est juste parce qu'on n'a jamais été éduqué à ça, on n'a jamais été informé. Dans le fond, c'est crucial. Après ça, vous allez vous demander pourquoi la plupart des gens qui ont des hauts postes dans les gouvernements, dont les premiers ministres, ainsi que ceux, sont souvent des avocats. Vous allez comprendre pourquoi c'est qu'ils connaissent le système, hein, comment il est tissé. Ce genre de toile d'araignée qui est tissée autour de nous, une toile légale fictive, en fait, qui n'est pas censée s'appliquer aux êtres humains en chair et en os comme vous, mais seulement qu'à des personnes légales qu'on appelle fictives, en fait, une compagnie. T'sais, vous pensez, mettons, BP, n'importe quoi, là, General Motors. N'importe quelle compagnie, Evian, peu importe, sont des personnes légales. Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes en chair et en os, ce sont des personnes fictives, des commerces, des compagnies. Alors, pour avoir un droit d'exister, et puis des fois d'aller en cours, ainsi de suite, on doit créer une entité, mais c'est une entité fictive, là. En fait, BP n'existe pas. C'est pas une personne à qui on peut aller serrer la main, vous comprenez? Mais ce qui arrive, c'est qu'on ne vous éduque pas de cette distinction. Et puis, bien souvent, c'est par exemple les lois de la route, les impôts, ils ont un paquet en fait de lois qui s'appliquent que à la sphère commerciale. Mais on essaie de confondre cette ligne puis de vous faire à croire que vous êtes votre personne légale. Pourquoi je dis ça? C'est qu'à votre naissance, on crée, en fait, vous êtes né, un être humain en chair et en os. Mais au même moment, on a créé une personne légale, juridique, fictive, en fait, un homme de paille. C'est la personne qui apparaît en lettres majuscules bien souvent sur votre baptistère ou sur vos cartes de crédit, les contrats, les peu importe, là, les papiers légaux. Donc, quand vous voyez votre nom écrit en lettres capitales, en lettres majuscules, on parle ici pas de vous en tant que tel, de votre personne en chair et en os, mais de cette personne fictive. Et puis, c'est elle seule, cette personne fictive, qui est liée à ces fameuses lois, mais pas vous. Mais là, en confondant cette frontière-là entre les deux, ben vous vous prenez pour votre personne légale. Puis à ce moment-là, ben c'est comme ça qu'ils vous font rentrer dans leur, si vous voulez, dans leur monde, dans leur société, où ben là vous êtes taxé, puis vous devez payer un paquet de frais, puis ci et ça, et vous êtes tenu de en fait d'obéir à des lois qui sont commerciales. Alors, c'est un sujet énorme, puis ce que ça a comme implication, c'est que quand on comprend ça, ben on comprend que finalement, le système, en tout cas ici au Canada, puis en Angleterre, certainement, le Canada découle directement du système anglais, en fait, au niveau légal, là. Et puis, ce qui arrive, c'est que les gouvernements ont aucun pouvoir légitime sur nous, en réalité, particulièrement ici au Canada, en tout cas, c'est un gouvernement de facto, avec des cours de facto. Et puis, peut-être le terme ou ce que je viens de dire là vous informera pas tant que ça, vous dira pas grand-chose, mais en réalité, je vais essayer de vous expliquer plus en détail. J'avais écrit des articles là-dessus sur les sites du Québec, les Nouvelles Internationales, sans papier, pour essayer de commencer à expliquer cette affaire-là, mais en réalité, c'est qu'on a un pouvoir énorme. La vraie structure de pouvoir dans nos pays devrait être nous, le peuple, après ça, le gouvernement, qui répond à nous, qui est à notre service, puis après ça, les industries, les corporations, les compagnies, le monde commercial. Puis là, ben, peu à peu, on a essayé de vous faire à croire qu'on vit dans un système autre, qui est en fait complètement l'inverse, où vous avez justement les banquiers privés, les corporations ainsi, qui sont au-dessus de la pyramide, et puis après ça, les gouvernements, puis après ça, le peuple. Alors, en bas de la pyramide, qui se fait exploiter, qui est au service de tout le monde. Alors, ce qui s'est passé en 2012, ben c'est une prise de conscience de ça, une prise de conscience de tous les scandales, toutes les corruptions, les mensonges. Les gens aussi, particulièrement, ont pris conscience en 2012 qu'ils étaient unis dans cette même prise de conscience, c'est-à-dire que, oh, et toi aussi tu penses ça, ah, toi aussi tu penses ça, puis là tu vois que dans le fond, en tout cas, dans plusieurs sphères de ma vie, j'ai affaire avec le public, de toutes sortes, vraiment de toutes les couches, vraiment de la société, là. Et puis, réellement, là, je peux vous dire qu'il y a un éveil global. Je veux dire, la proportion de gens qui sont extrêmement bien informés est hallucinamment élevée, là, je veux dire, par rapport aux années passées, puis surtout des décennies, puis encore moins, tu sais, je veux dire, là, j'étais même pas né, mais il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a des faits qui sont indéniables. J'ai vu des statistiques qui sont sorties dans le journal il y a pas longtemps que la violence en général, dans le monde, est en baisse, dont aux États-Unis, puis avec les images des médias, puis tout, on aurait tendance à croire le contraire. Il y a y a une évolution réellement qui est en train de se produire, mais étant donné qu'elle n'est pas reflétée dans les grands médias qui ne veulent pas nous donner encore plus l'idée qu'on a du pouvoir sur notre propre vie et destinée, essaie de nous tenir dans un état de désespoir, d'impuissance, en fait d'illusion d'impuissance, de penser qu'on peut rien y faire, qu'on n'a aucun pouvoir. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et puis, c'est ce qui est en train de germer dans l'esprit, je pense, de plus en plus grande partie de l'humanité. Et 2013 s'annonce comme étant une année de transformation. Une transformation profonde qui risque d'être même des déchirures pas mal douloureuses. Mais c'est un mal nécessaire. On est en train de mourir à quelque chose et puis de naître à une autre chose. À plusieurs niveaux. Un peu un genre d'accouchement douloureux. Je sais pas quelle forme que ça va prendre, sauf qu'on voit les systèmes qui sont réellement secoués de toutes parts. On voit vraiment de plus en plus que les systèmes s'écroulent de part et d'autre. Le système financier, on voit le système politique, à peu près tous les systèmes sont en train de sacrer le camp, et puis c'est un peu un soulagement d'une certaine façon. Vous êtes de retour à l'émission L'Autre Monde, chers auditeurs. Alors, écoutez, on va poursuivre dans la même veine hein, de ce qu'on parlait. Je parlais un peu de cette de ce système de la personne juridique, en fait, ce système de free man on the land. Et puis, c'est ça que je vous disais un peu avant la pause, c'est que on est en train de retrouver des outils, des anciens outils, de se rappeler d'un paquet d'affaires qui va faire qu'on va s'émanciper, se libérer d'un système de domination, d'un système de déshumanisation, réellement, qui est en train de nous enlever l'humanité de nous-mêmes. Alors, c'est un éveil quand même assez fabuleux à voir, et puis ce mouvement. Puis une bonne partie d'informations que j'ai trouvées se trouvait dans ce fameux mouvement Freeman on the Land qui était particulièrement actif dans l'Ouest canadien, dont particulièrement en Colombie-Britannique. Et puis, vous avez, si vous voulez trouver en tout cas plus d'informations, malheureusement c'est majoritairement en anglais. Mais écoutez, comme je vous dis, il y a des moteurs de recherche, on peut s'aider, on peut au pire faire des traductions, faire peu importe. Et puis essayer de comprendre, dans le fond, le système dans lequel on vit, et puis se réapproprier les outils pour défendre notre liberté. Parce que il faudrait peut-être pas attendre qu'on la perde pour réaliser à quel point elle est importante. Donc, c'est un peu de ça que je parlais, Monsieur Phil Couture. Alors, je vais y revenir dans le futur. Soyez-en confiants. Ensuite, vous avez, vous voyez, Hélène Darius qui nous souhaite une bonne année 2013. Alors, évidemment, bonne année à tout le monde. Ensuite, un tas de messages comme ça. Et vous savez, des gens qui nous laissent des mots. Sylvain, Jonathan, merci François pour ce retour tant espéré. Quelle belle surprise. Alors, les gens qui partagent l'émission sur les réseaux sociaux, merci beaucoup. C'est très apprécié. Alors, ainsi de suite. Donc, pour tous ceux même que j'ai pas nommé, en fait, merci. Donc, voilà un peu pour ça. Écoutez, là, on va amorcer différentes affaires durant cette émission. On va commencer à se replonger un peu dans l'actualité. On l'a fait la semaine passée, on a abordé un peu le sujet de Fukushima et puis ainsi d'une couple de sujets comme ça à la volée. Là. Vous avez entendu l'émission là, la semaine passée, donc j'ai pas besoin d'en dire plus long. Côté Fukushima, on va pas s'y étendre bien longtemps, cette émission. Par contre, je vais encore, dans le fond, vous donner quelques titres d'informations, de titres d'articles qui ont été publiés cette semaine et puis qui... vont montrer une certaine tendance, hein. C'est quand on regarde les nouvelles sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, qu'on arrive à voir les tendances, à voir le genre d'informations qui commencent à sortir, des vérités, des faits qui commencent à se confirmer, à se corroborer. On commence à avoir une meilleure vue, une meilleure perspective de ce qui se passe. Puis comme je vous disais un peu la semaine passée, il y a une bonne tendance qui ressort de plus en plus, c'est des nouvelles qui parlent des impacts, des conséquences radiologiques, radioactives, hein, sur les gènes, autant de tout ce qui est vivant autour de ce qui s'est passé à Fukushima. Et puis, au Japon, on parle. Et puis, cette semaine encore, vous avez plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là. Donc, vous avez ici une vidéo qui a été publié le 13 janvier, parlant de cet événement à Fukushima. Et puis, c'est en fait un chef de la centrale là-bas à Fukushima qui dit que je ne peux plus forcer mes employés de continuer. Plusieurs ont reçu des très hautes doses de radiation. Alors, de plus en plus, on voit l'information filtrée que les gens qui travaillent sur le site là-bas pour essayer de contrôler ou décontaminer ou contenir, ou en tout cas, faire ce qu'ils peuvent pour remédier à une situation qui est tout simplement quasiment sans solution, là. Ces gens-là se prennent des doses, écoutez, effroyables de radiation, et puis on a essayé d'étouffer l'information assez longtemps, mais de plus en plus ça commence à filtrer, puis des gens sont morts, des gens vont commencer à mourir, commencer à souffrir de toutes sortes de malaises incroyables, là, je veux dire, des malaises cardiaques, des déformations, des maladies dégénératives, des enfants, des problèmes congénitaux, des déformations congénitales. Toutes sortes d'affaires comme ça. Écoutez, c'est bien certain, des cancers, leucémie, ainsi de suite. Donc, vous voyez, de plus en plus des trucs comme ça. Et si vous avez un attorney japonais qui dit que l'information est cachée, est dissimulée, 5 personnes sont décédées de leucémie aiguë la dernière année dans la ville de Soma, qui se trouve à 45 km au nord de Fukushima Daiichi. Alors on dit, ah, 5 personnes seulement, peut-être une coïncidence. Non, non, c'est ça, je vous dis, si vous lisez une nouvelle, c'est bien certain que ça peut avoir l'air de seulement que une goutte d'un océan. Mais quand on voit à répétition, de plus en plus, on voit le nombre de nouvelles qui commencent à augmenter, à filtrer, on voit des tendances lourdes, on en voit de plus en plus de ce type de nouvelles. Vous avez ici un réseau de nouvelles japonais, Mainichi. On parle de ces fameux travailleurs à Fukushima qui se sont tenus au-dessus de des débris radioactifs, hautement radioactifs. Et puis un de ces travailleurs-là a déclaré, je cite, j'avais des engourdissements dans mes orteils. En fait, j'ai eu des engourdissements dans mes orteils pendant plusieurs mois. Donc, plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là. Alors, je les lirai pas toutes, mais écoutez, c'est courant. On voit aussi plusieurs tests qui sont faits avec bon des compteurs, et puis on retrouve des lectures de radioactivité, de déchets radioactifs, de retombées, peu importe, des poussières, ainsi de suite, un peu partout au Japon, dans l'océan, même en Amérique du Nord, jusqu'en Europe même. Et puis des fois, on a des quantités quand même assez importantes, là, même, je dirais, troublantes. Les tremblements de terre, et un autre tremblement de terre de l'ordre de 5 sur l'échelle de Richter qui a frappé autour de Fukushima. Donc, ça continue de trembler. Là-bas, ça n'a jamais arrêté depuis le tremblement de terre. Donc, le riz ici, on dit radioactif, avec plus du double des limites en césium fixées par le gouvernement, a été trouvé à l'extérieur de la préfecture de Fukushima. Alors, ça, c'est le type de nouvelles qu'on retrouve là dans les nouvelles concernant Fukushima. Alors, une situation que les grands médias commerciaux ignorent complètement, passent sous silence total, comme s'il se passe absolument rien là-bas. Ce qui est des plus troublants, vraiment. Et un peu dans la même veine, on a parlé la semaine passée, on avait abordé un peu le sujet de BP, hein, cette fameuse contamination incroyable qui s'était passée suite à cette tragédie qui avait coûté la vie à 11 personnes, je crois, je me rappelle bien, de la plateforme du Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, là, au large de la côte du golfe du Mexique, là, aux États-Unis, là, donc la Louisiane, ainsi de suite, là. Donc, le golfe du Mississippi, ainsi de suite. Donc, ouais. Je vous avais écrit des articles, j'en avais parlé sur l'émission, comme quoi, même la semaine passée encore, que le fond géologique, hein, du golfe du Mexique est extrêmement instable, poreux, de strates géologiques qui sont sédimenteuses, argileuses. On a des dômes de sel, ainsi de suite. Donc, réellement, là, c'est vraiment pas un fond géologique qui est étanche, hein. Donc, suite à ce qui s'était passé avec les pressions incroyables, écoutez, on est en train de percer à une dizaine de kilomètres de profondeur, là. Imaginez les pressions débiles. comme je vous expliquais aussi, on retrouve pas de fossiles, hein, d'énergie fossile à ces profondeurs-là, là, je veux dire, les restes de dinosaures, là, puis des plantes de 65 millions d'années, là, se retrouvent pas aussi profond, là, dans la croûte terrestre, là. Oubliez ça, là. C'est ce qui prouve, d'ailleurs, qu'il existe, du pétrole de source abiotique qui est formé de façon continue dans, les corps célestes, dont la Terre. Alors, le gaz, là, il y a pas de peak oil, là, hein, de sommet du pétrole, là, puis on va pas manquer de pétrole, un peu malheureusement, dans certains sens, parce qu'on aurait intérêt à utiliser depuis 100 ans qu'on sait comment utiliser l'énergie libre, hein, mais le cartel de l'énergie nous tient dans des types d'énergie archaïques comme le pétrole. Puis malheureusement, on n'est pas à veille d'en manquer, hein. Alors, ce truc-là, ben, apparemment, a été colmaté. On nous avait montré une tête de puits, dans le fond, là, qui avait été forée, là, dans le fond du golfe du Mexique. Et puis, on nous avait dit, on a montré des images, vous vous rappelez, là, oh, oui, on a colmaté le truc, tout va bien. Et puis en réalité, quand on a fait des recherches et puis j'en avais parlé beaucoup, ben il y avait au moins deux, sinon trois autres puits autour là et qui fuyaient, qui étaient réellement le puits qui avait explosé. On nous a montré le colmatage d'un autre puits qui fuyait pas réellement. Alors une grande arnaque incroyable. Ben, donc évidemment que le pétrole continuait de fuir et puis on a eu des quantités absolument incroyables. Mais le pire, comme je vous avais rapporté dans le passé, c'était que le plus toxique n'était pas réellement le pétrole, déjà que lui est extrêmement toxique, mais c'est le méthane aussi qui s'échappe de là, et aussi le corexit, qui se trouve être le fameux genre de coagulant, en tout cas le truc qu'on utilise, qui est extrêmement chimique, pour essayer de contrôler des dégâts pétroliers du genre, là. Et puis, ce qui se passe, ben, c'est qu'on a encore des nouvelles qui sortent et qui sont réellement peu reliées aussi, relayées dans les médias. Écoutez, on parle ici de tests qui ont indiqué que des pélicans au Minnesota ont été exposés à des sources de contamination élevées dans le golfe du Mexique. On est évidemment inquiété pour ce que ça pourrait entraîner à la population de pélicans là-bas. C'est des dispersants chimiques, c'est ça, c'est pas des coagulants, c'est des dispersants chimiques. Qui ont été trouvés dans le tiers des oiseaux qui ont été testés. Ensuite, vous avez, ça c'est des nouvelles qui ont été publiées le 1er décembre 2012, imaginez là. Donc, vous voyez un peu là, vous allez voir les tendances, c'est un peu de ça que je vous parle, là. À la TV ici, plus de pétrole qui a été reporté comme étant trouvé au site du désastre de BP, donc des nappes de pétrole persistantes et récurrente qu'on retrouve. Vous avez des vidéos pour appuyer ça. Le 5 décembre ici, un ancien scientifique de l'ancien gouvernement américain, on parle ici de, lui il parle là, de genre de chaussée de goudron qui se trouve dans le sable, en fait sous le sable le long du golfe du Mexique. C'est comme si on avait pavé des autoroutes après l'ouragan, qu'il dit. Une nouvelle étude ici qui parle de ce fameux corexit, hein, donc de BP qui avait utilisé ce corexit dans le golfe, en fait, qui avait rendu le pétrole lui-même 50 fois plus toxique que ce qu'il était. Ils disent que l'industrie aime tellement le corexit que les compagnies de pétrole sont présentement en train d'en accumuler, d'en stocker pour les prochains désastres. Imaginez. On n'apprend vraiment pas, là. Ça, vous avez la USGS aux États-Unis, où on parle des gaz de schiste, hein? Donc, on dit que les tremblements de terre de l'ordre d'une magnitude de 5 sont liés à des déchets qui sont utilisés pour quand on fracture le sous-sol géologique pour essayer d'aller chercher ces gaz de schiste, se trouve à être finalement du méthane, et qui pourrait avoir causé chaque tremblement de terre depuis 2001 dans la région qui a été étudiée. On parle évidemment de conséquences encore pires, avertissent les scientifiques. Donc, encore des nouvelles qui ont été publiées dans le mois de décembre 2012. Ensuite, une autre étude ici qui trouve que justement le pétrole qui s'est délayé avec le temps, qui s'est un peu dilué, ainsi de suite, dans l'océan, se trouve à être encore plus toxique que quand il était frais, sorti de la terre, en fait, du fond du Mexique. En fait, du fond du golfe du Mexique, pas du Mexique lui-même. Ensuite, vous voyez un peu le type de nouvelles comme ça. Donc, c'est des gros sujets. Et puis, vous voyez cette absence totale des médias là, à vous rapporter la vérité là-dessus. D'où la raison pour laquelle, vous êtes là, finalement. Vous comprenez? Je veux dire, parce qu'on a tous, je pense qu'on partage tous cette même passion pour savoir ce qui se passe réellement dans le monde, là, hein, pour la recherche de la vérité. Donc, un autre qui cherche, lui, mais probablement il va pas trouver, Al Gore aux États-Unis, lui, qui déclare que l'énergie nucléaire va être utilisée dans le futur. Il pense, lui, que le problème des déchets nucléaires va probablement être résolu. Alors, voilà quelqu'un là qui nage en pleine pensée magique, hein? Ensuite, on apprend dans une autre nouvelle ici que des nouvelles plateformes de drillage, en fait, de perçage du fond marin au-dessus du, en fait, de la même région où se trouvaient les têtes de puits du Deepwater Horizon de BP dans le golfe du Mexique. On est en train d'amener de nouvelles plateformes là, pour percer des nouveaux trous. Incroyable. Et puis, on trouve d'ailleurs d'autres nappes de pétrole pas loin. Plusieurs nappes de pétrole importantes qui se trouvent pas très loin de là. Donc, le truc, il fuit encore. Et puis là, on amène des nouvelles plateformes. On va continuer de percer. Écoutez, c'est la démence, là. Il est temps qu'on comprenne en tant que peuple, en tant qu'humanité, là, que des postes et des compagnies de pouvoir incroyables sur par rapport aux conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'environnement, sur l'humanité, sur le futur de la vie sur Terre, là, sont aux mains de des gens qui sont cliniquement, ok, je dis pas ça là en brigeant, en criant des noms, ainsi de suite, là, par des gens qui sont cliniquement, psychologiquement, pas en santé mentale, là. Ok, vous comprenez, là, des gens qui comprennent pas, là, des gens qui sont complètement irresponsables, des gens qui sont dans un état pathologique avancé, là, qui sont complètement déconnectés de la réalité. On a déjà un fonds marin qui fuit du pétrole, on a d'autres nouvelles. Je dis, j'en passe tellement des nouvelles là, que je pourrais vous exemplifier ce dont je parle ici, là. Des nouvelles qui me viennent à la tête, là, vous avez des milliers de personnes là, sur la côte, tu sais, aux États-Unis, là, qui longent, dans le fond, la côte américaine qui longe le golfe du Mexique, là, où s'est produit justement cet incident de BP. Des milliers de personnes là-bas ont des problèmes de santé très sérieux, là. On n'en parle pas dans les médias. Des problèmes de santé très graves. Vous avez la chaîne alimentaire qui est intoxiquée pendant, écoutez, des années, des années, des années. Puis on n'en parle pas. Après ça, bang, Fukushima qui arrive. Donc, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir qu'on commence à comprendre que il y a des gens super importants qui sont dans les médias comme ça, comme Al Gore. Je veux dire, je ne vais pas me retrouver avec des poursuites judiciaires, là, mais je veux dire, de dire qu'on va trouver un moyen de gérer les déchets nucléaires, tu sais, écoutez, il n'y a pas de problème. Fukushima vient de se produire, la planète est probablement, écoutez mon excusez mon anglicisme, là, scrappée, là, je veux dire, endommagée sérieusement, là, fortement hypothéquée, là. Imaginez le Japon, là, va peut-être devenir un no man's land, là, pendant un méchant bon bout de temps, là. On se retrouve avec des déchets nucléaires, là, qui ont des demi-vies de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, puis de millions d'années. Puis en se dégradant, ils deviennent de plus en plus dangereux. Puis là, vous avez des clowns comme ça, lui, qui a des conflits d'intérêts très graves parce qu'il y a des investissements importants dans le secteur nucléaire, Al Gore. Puis après ça, il vient vous dire que, ah oh, ouais, pas de problème, l'énergie nucléaire va être utilisée dans le futur, là. On va trouver. Faites-en pas pour ça, là. Non, il n'y a pas de problème, là. Ben non, on construit des réacteurs nucléaire comme celui qui est à Fukushima, où vous avez la piscine de réserve de déchets nucléaires au-dessus du réacteur. Imagine si le réacteur il y a un problème puis il saute. Qu'est-ce qui se passe qui arrive avec la piscine au-dessus? Ben, il arrive ce qui est arrivé à l'unité 4 de Fukushima Daiichi. C'est que là, la piscine, il manque quasiment une patte, là. Elle est en train de sacrer le camp. Puis quand je parle de piscine, là, c'est profond ces affaires-là, là. Ça contient 30 ans de déchets nucléaires. Si le truc fout le camp à terre parce que la structure est fortement endommagée. On essaie de la renforcer, puis ainsi de suite, là. Mais si vous avez un autre tremblement de terre de l'ordre de 9, là, de magnitude au Japon, là, dans la même région, là, ce que tout le monde s'attend, là, je veux dire, c'est pas un secret de polichinelle, là, ça va se passer. C'est pas une question de si, mais de quand. Le truc, là, il fout le camp à terre, là. Avec tout ce qu'il y a dans la piscine, le carburant, puis tout qui est là, carburant utilisé, avec du plutonium, ainsi de suite, hey, écoutez, là, la totale. Si ça fout le camp, là, vous avez des ingénieurs nucléaires comme Arne Gundersen, dont je vous avais parlé dans le passé, là, un des seuls, dans le fond, là, qui vous rapporte réellement ce qui se passe, puis qui est un ingénieur nucléaire, là, qui était dans le secteur nucléaire civil aux États-Unis. Âgé, le monsieur, dans la soixantaine, 70 ans, quelque chose. Écoutez, le monsieur, il en a vu d'autres, là. Il a fait une longue carrière là-dedans, là. Il dit, si ça arrive, là, il dit, si vous êtes au Japon, aux alentours, là, partez. Partez, sacrez votre camp, bye. Parce que là, l'humanité, là, il va se passer quelque chose avec laquelle on n'a jamais, jamais, jamais dealé, là. Ça va être une catastrophe mondiale. Je suis pas en train de vous faire peur, là. C'est la réalité de ce qui se passe. C'est la gravité de la situation, puis on vous en parle même pas. Puis après ça, vous avez ces clowns-là comme Al Gore qui arrivent. Ah, il n'y a pas de problème, hein, le nucléaire. Hey, too much. Yeah, c'est good. Comprenez un peu? Donc, c'est un peu ce type de personnage-là qui se retrouve à la tête de des banques, de des pays, de des multinationales, de des... écoutez, des institutions comme l'OTAN, ainsi de suite, je veux dire, qui se retrouvent dans toutes les structures de pouvoir mondiaux, et puis qui sont franchement malsains, là. Je veux dire, des gens qui devraient pas être là, là. Hein? Puis c'est à nous, à un moment donné, de dire, hey, ça suffit, là. Ça suffit. Donc, vous avez ici des docteurs, justement, qui parlent de ça, une crise publique de la santé, autour du golfe du Mexique après ce fameux désastre du Deepwater Horizon de BP. Des milliers de personnes qui souffrent de problèmes chroniques. Donc, toutes sortes d'affaires comme ça. Des dossiers, il y en a. Des dossiers chauds, il y en aurait là, pour parler pendant des émissions comme ça de 1h30, 2h à tous les jours. Il y a tout le fameux dossier de la vaccination, les vaccins. C'est tellement touché en même temps parce qu'il y a des gens qui sont complètement endoctrinés là-dedans, autant d'un bord que de l'autre, tu sais. Je veux dire, moi, j'essaie tout le temps d'essayer de voir, tu sais, d'être dans le centre, là, d'essayer de faire la part des choses, d'essayer d'être objectif, de voir que, tu sais, qu'on parle de autant du mouvement environnementaliste, tu sais, je veux dire. Il y a des environnementalistes, c'est quasiment des éco-terroristes, là. Je veux dire, c'est des extrémistes malades, là. Hein? Et dans la gauche politique, il y en a des fous, là. Dans la droite, il y en a des fous, là. Il y a des fous partout, là. Puis il y a des gens intelligents partout, là. Il y a des gens sages partout aussi, là. Il faut se méfier de tout, là. Il faut remettre en question les choses, savoir questionner. Tu sais, c'est pas parce qu'on vous a dit toute votre vie que les docteurs ont dit ça, que les hôpitaux disent ça, que, hey, écoutez, là, les docteurs, là, dans le passé, ils disaient que la cigarette, c'était bon, là. On vous passait des émissions en télévision avec des docteurs aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Le docteur vous disait, yeah, fumez la cigarette. Hein, c'est bon. It's good for you. Hein? Hein, n'a pas de problème. Après ça, whoop, là, hey, c'est pas bon, ça, cette affaire-là. Ben, c'est la même affaire, là. Les vaccins, là, c'est pas parce que, là, hey, on vous a indoctriné là-dedans, vous dites, hey, c'est bon, ça protège, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a plus de bon côté qu'une bonne, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, c'est bon, on a-tu le droit de questionner, je peux-tu regarder, moi, la liste des ingrédients là-dessus? Avant de dire, là, que c'est bon, c'est bon, c'est bon, là, si vous êtes un de ceux qui pensent que c'est ça, avez-vous déjà checké la liste des ingrédients là-dessus? Avez-vous? Ou si vous faites juste aveuglément confiance en n'importe qui de même? Ah, parce qu'il porte un sarrau blanc, lui, là. Ah oui, lui, là, regarde, je vais y faire confiance, là, aveuglément. Voyons donc, là. Il y en a des docteurs psychopathes. Il y en a des docteurs malades mentales. Il y a des super bons docteurs. Et les docteurs, c'est des anges, mon gars. Il y en a, c'est des malades mentales, partout, là. Je veux dire, puis là, mettez du pouvoir là-dedans, puis de l'argent. Hein? Fait que cette histoire de vaccin-là, je veux dire, que vous soyez pour, que vous soyez contre, il faut tout le temps éviter de tomber dans des radicalismes, puis des dogmes, puis des doctrines, puis ainsi de suite, puis là, tenir son camp. Il faut tout le temps être ouvert à tous les arguments, puis chercher, puis pousser à former votre pensée sur des informations crédibles, des informations vérifiables, puis questionner, puis vous re-questionner, puis vous challenger, puis c'est important, là. Puis dans le processus, au fur et à mesure que vous allez fouiller, vous allez faire votre propre opinion, à un moment donné, vous allez voir des tendances, vous allez voir, il va se dégager de quoi, de tout ça. L'affaire, c'est qu'en santé, dans ce qu'on parle de la santé des gens, il y avait ce fameux principe, hein, d'Hippocrate, qui disait dans le doute, abstiens-toi. Puis je trouve difficile, à la lumière de toutes les œuvres. Ça fait des années que je fais des recherches là-dessus, là. Des années. Regarde les poursuites, les ci, les ça, les défenses, les cours, les trucs judiciaires, les informations qui sortent, les nouvelles. On voit les statistiques, on fouille des documents, on voit les documents du passé, les archives. Toutes sortes de... Écoutez, là, maintenant, on passe à travers une tonne d'informations, des documentaires. Des... À la lumière de tout ça, là. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que... On est loin de la coupe aux lèvres, là. On est loin de pouvoir dire « je n'ai aucun doute ». Il y a plusieurs et même des centaines de raisons d'avoir des doutes sur les vaccins. Mais je suis quand même pas pour vous dire « ah, oh, croyez en ça, croyez pas en ça, allez pas vous faire vacciner ou allez vous faire vacciner ». Ça, c'est votre choix, là. C'est pour ça qu'il y a des gouvernements, c'est pour ça qu'il y a des autorités, parce que ils vous prennent en charge, ils décident pour vous, ils décident ce qui est bon pour vous. Le problème, c'est que si c'était vraiment des personnes bien intentionnées tout le temps à 100%, ça serait excellent. Le problème, c'est que c'est pas ça. Où il y a de l'argent, puis il y a du pouvoir, il y a bien de la corruption, puis bien des gens qui sont vraiment très faussement motivés. Il y a des motifs qui vont vraiment pas dans la même direction que votre bien-être. OK? Alors, vous avez un paquet d'études comme ça qui sortent. Puis depuis la fameuse affaire du H1N1, je veux dire, ça s'est accéléré. Ici, on parle des enfants qui sont vaccinés, ont 5 fois plus de chances d'être plus susceptibles, en fait, sont 5 fois plus susceptibles aux maladies que les enfants qui ne sont pas vaccinés. Ça, c'est une étude qui est en train de se dérouler en Allemagne. Ils sont en train de comparer là, les taux parmi les enfants qui sont vaccinés puis ceux qui ne le sont pas. Et puis, elle pointe d'une façon très claire la disparité entre les deux groupes. Alors qu'on regarde ces fameux taux de maladie parmi ces enfants. Alors, tel que rapporté par le groupe qui s'appelle Health Freedom Alliance, les enfants qui ont été vaccinés selon les officiels du gouvernement, en fait, selon les cédules établies par le gouvernement, là, les fameuses cédules de vaccination, ces enfants-là sont jusqu'à 5 fois plus susceptibles de contracter des maladies qui sont prévenables que les enfants qui ont développé leur propre système immunitaire naturellement sans des vaccins. C'est ça qui est toute la clé de cette histoire-là, c'est de prétendre que votre système immunitaire qui s'est développé sur des centaines de milliers d'années, même des millions d'années, là, soudainement, bang, dans notre ère, là, dans notre siècle, en fait, celui passé, ben là, notre système immunitaire, là, il est plus correct, là, il est plus bon, il est plus assez fort pour apprendre lui-même, se défendre lui-même. Là, il faudrait y injecter des paquets d'affaires, chloroforme, du pu d'animaux, des cellules, des déchets d'ADN, des virus vivants, toutes sortes d'affaires. Écoutez, là, de la formaldéhyde, de l'aluminium, du thimérosal qui se trouve être un dérivé du mercure, toutes sortes d'affaires. Écoutez, puis là, ben le truc, c'est que tous ces ingrédients-là n'ont jamais vraiment été testés sur l'humain pour en fait voir s'ils sont nocifs ou pas, puis encore moins la combinaison. la combinaison de ces vaccins qui sont souvent donnés ensemble ou sur une échéance assez rapprochée l'un de l'autre. Hein? Donc, on est en train de se rendre compte que finalement, quand on laisse les enfants, il y a des études qui sont sorties dans ce sens-là, que les enfants qui jouent dans la terre, des fois, qui se trouvent à mettre de la poussière, de la boue dans la bouche, tu sais, je veux dire, se trouvent à avoir des systèmes immunitaires plus forts, plus développés que rendus adultes, que ceux qui ont été maintenus dans des maisons super aseptisées, nettoyées, écoutez, là, tu sais, tellement propres, là, qu'à un moment donné, là, ça n'a plus aucun sens, là, c'est rendu comme un hôpital, là. Alors, ce qui arrive, c'est que le système immunitaire se développe pas, reste sous-développé, puis à un moment donné, rendu à l'état adulte, là, c'est plus changeable, là, ça devient comme coulé dans le béton. Alors, il est trop tard pour le développer. Ces personnes-là vont être tout le temps plus sensibles, plus fragiles au niveau de leur santé, que celles qui, finalement, ont développé un système immunitaire fort, naturellement. Donc, des études comme ça, il y en a beaucoup. Ensuite, vous avez une épidémie, justement, de cette grippe qui court ici, en tout cas en Amérique du Nord, là, au Québec, c'est assez effrayant de voir ça, là, ça court réellement beaucoup. Aux États-Unis, ça a l'air que c'est la même affaire, là, la grippe qui frappe des millions d'Américains qui étaient déjà vaccinés contre la grippe. Alors, c'est ça qui est... écoutez, ça donne quoi d'être vacciné contre la grippe si, dans le fond, tu as 5 fois plus de probabilité de l'attraper, puis vous avez des gens qui sont déjà vaccinés qui l'attrapent aussi. Alors, écoutez, c'est un officiel, en fait, des États-Unis qui a déclaré avec... écoutez, là, je suis en train de vous dire ça d'une mauvaise façon, là. Il y a une panique d'une épidémie de la grippe officielle aux États-Unis, avec la ville de Boston qui a déclaré l'état d'urgence public pour la santé, si vous voulez, et dans les hôpitaux aussi, qui ont mis en place des tentes de traitement pour les gens qui ont la grippe, alors que la ville est en train de se transformer en une genre de zone de guerre. Alors, vous avez la CDC là-bas qui déclare que c'est la pire épidémie de grippe depuis une décennie, et qui sont évidemment en train de pousser tout le monde à recevoir l'injection, le vaccin contre la grippe. Mais ici se trouve le petit secret de l'industrie du vaccin, qui ne veulent pas que vous sachiez, c'est que la plupart des gens qui attrapent le vaccin, en fait, qui attrapent la grippe en ce moment, sont les mêmes personnes qui ont été vaccinées avec le fameux vaccin de la grippe. Eh ouais. Vérité choc. Alors, pensez à ça, voir si ça a du sens. Vous avez ici un pionnier des vaccins qui admet avoir ajouté des virus qui causent le cancer dans les vaccins. Alors, c'est dans une interview que le docteur Maurice Hillman révèle ces choses quand même assez frappantes, là. Alors qu'il admet que la compagnie Merck, qui avait fabriqué des vaccins contre la polio, l'avait délibérément contaminé avec ce qu'on appelle le SV40, un virus qui cause le cancer chez les singes. Ça s'est déroulé entre 1953 et 1953 à 1963. Donc, écoutez, pendant des années, vous avez des chercheurs qui ont suggéré que vous avez des millions de ces fameuses petites portions là, de ce vaccin pour la polio, de ces petites fioles, ont été contaminées avec ce fameux SV40 et ont infecté des individus en lesquels ça a causé des tumeurs. Et puis, en 1999, on a trouvé l'évidence moléculaire du SV40 et de son infection qui se présentait dans des enfants qui étaient nés après 1982. Alors, certains experts ont maintenant suggéré que le virus ait même pu demeurer dans les vaccins de polio aussi tard que 1999. Imaginez. Alors, des nouvelles quand même assez importantes comme ça. On va faire une petite pause et puis après ça, on va revenir encore plus avec plus de nouvelles de l'actualité. On va parler un peu d'économie. C'est important de parler d'économie. C'est évidemment un volet important de, de l'actualité mondiale. Donc, on va parler de ça et puis des nouvelles diverses, peut-être toucher un peu là, au réchauffement climatique, ainsi de suite. Et puis, j'ai aussi, comme à chaque année, je le fais, là, le fameux, ce qui s'appelle, comment ils s'appellent les autres, là, t'as peu, je vais vous trouver le nom. Ils mettent à chaque année sur pied, en fait, une revue, ça s'appelle Project Censored. C'est en fait les projets censurés qui se spécialisent en couvrant les nouvelles importantes qui sont en fait censurés dans les grands médias et puis qui sont en fait ignorés ou dans le fond minimisés par les grands médias chaque année. Et puis ce qui arrive, c'est qu'ils se retrouvent en fait, c'est quoi ce Project Censored? C'est une équipe de chercheurs composée de plus de 200 étudiants de facultés universitaires, d'experts de la communauté qui revoient annuellement entre 700 et 1000 titres de nouvelles qui ont été évidemment soumis pour différents critères là. Et puis là, à chaque année, on sort un cru des 25 top histoires qui ont été choisies là par un panel de juges distingués et puis qui les mettent en ordre d'importance. Et puis après ça, les résultats sont publiés à chaque année dans un excellent livre qui sont disponibles sur leur site internet ou à Amazon. Alors, vous allez trouver les références. La semaine passée, je ne les ai pas encore publiées, là. Je vais y arriver, chers auditeurs, là. Je suis vraiment débordé, là. Je m'excuse de ça. Vous allez trouver très bientôt, là, j'espère, toutes les références dont je parle ici sur l'émission, là, autant sur les nouvelles internationales que les 7 du Québec. Alors, vous allez trouver les liens, là, si vous voulez aller voir ça. Donc, vous avez un sommaire ici des 25 top histoires là, qui ont été censurées par les médias, tout le temps bien intéressant à jeter un coup d'œil sur ça. Donc, si j'ai le temps, je vais aborder ça au cours de l'émission. Sinon, ben, je le ferai la semaine prochaine, ça vaut la peine. Alors, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Die bösen Geister sind weg. Ich kipp dich aus dem Bett und mach Kaffee. Der tote Tanten weg sind schön angezeckt. Löschen unseren Brand mit Sekt. Wir fahren an den Strand, das Leben fiebert. Wir haben uns angesteckt. Gestern war's so kalt, heute ist es heiß. Sonne macht geil und weil das so ist, scheint sie heute zum Beweis. Radio klingt feiß. Gestern war in den Top Ten Scheiß. Heute ist die Liste heiß und du tanzt. Dass ich Gott will deine Kiste preisen. Baby, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgehen und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Das Leben ist halb vorbei, ich steh drauf, wie du tanzt zu dem Lied. Wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb. I want to see your funny side again. Take me to your heart where it all began. I promise I'll do all I can, for this is the very last chance to let our love light shine again. Komm, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgehen und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. A brand new you and me. They're just waiting to be. Here's my hand. So meet me half of the way. Sweetheart, we're sharing this day. And I don't wish to stay the way that I am. I see the circumstances are strange. How I want you to change, but still stay the same. The less that we talk, the more time to try. sleeping. Time passed by. Oh baby, lass uns gehen. Das Leben will ein Ausgehen und das will ich sehen. Lass uns endlich aufstehen, das Radio aufdrehen. Dazu werden wir tanzen und das so gut aussehen. Ausgehen, das Radio aufdrehen. Das wird unser Tag, wenn wir endlich aufstehen. De retour à l'autre monde, chers auditeurs. Alors, voilà, nous en sommes à la dernière portion de l'émission. Nous allons traiter un peu, comme je vous disais, de cette fameuse économie qui, réellement, ne va pas très bien. Effectivement, le truc devient de pire en pire, là, partout dans les différents coins du globe. Je vais vous rapporter des nouvelles à ce sujet. On va essayer d'élaborer au fur et à mesure, là, pour un peu, là, parler de ce qui s'est passé les derniers mois, puis où on en est là-dedans, là. Si vous avez la banque Citigroup, là, qui révèle que cette fameuse histoire, hein, là, du plafond d'endettement aux États-Unis, là, dont on parle beaucoup, en fait, on en parle beaucoup. C'est vraiment ridicule. À chaque année, on en parle, et puis ils augmentent le plafond. Et puis, dans cette fameuse conversation qu'on maintient publiquement à propos du plafond d'endettement aux États-Unis, puis même dans tous les autres pays, mais particulièrement aux États-Unis, là, avec ce fameux 15 trillions de dollars, écoutez, chers auditeurs, là, il s'agit d'une illusion totale, là. Premièrement, c'est un système qui est basé sur la dette, là, donc c'est évident que la dette ne fait que croître, hein. C'est un système en pyramide et puis qui fonctionne sur le seul fait qu'on y apporte de plus en plus de dette à la base pour le maintenir. Donc, évidemment que la dette ne peut qu'aller vers une direction croissante. Et puis, non seulement ça, mais la dette réelle des États-Unis n'est pas de 13, de 14, de 15, de 16, de 17 trillions de dollars, mais plutôt de l'ordre de 100 à 200 trillions de dollars. Quand je parle de trillions, c'est évidemment de milliers de milliards de dollars. Hein? Donc, évidemment que ce système-là est basé sur une fiction totale. Je vous en parlais un peu la semaine passée. Une fiction qui va comme suit, c'est-à-dire que dès qu'il entre en fonction, ce système économique basé sur la dette dans lequel on opère, il y a plus d'argent qui est dû qu'il en existe. Non, c'est débile. Je prends souvent l'exemple ici du Canada, où on doit à peu près trois fois plus que s'il existe au complet dans la masse monétaire, autant réelle qu'électronique. Alors, si vous dites qu'il existe à peu près 1 milliard de dollars dans la masse monétaire canadienne, eh bien, on en doit trois fois ça. Alors, 3 trillions de dollars, comprenez? Un peu l'absurdité de ce système. Et puis, pourquoi nous sommes des esclaves économiques, des petites souris, des petits hamsters qui courent dans la roue de la cage dans laquelle nous maintiennent ces fameux banquiers internationaux privés qui ont, au fil des centaines d'années, pris contrôle de ce système économique et qui sont en train d'arriver, si vous voulez, à la fin de leur jeu. Et ils sont en train de faire tomber les derniers dominos qui leur résistent, les derniers lieux, les derniers pays dans lesquels il y avait un système économique qui n'était pas sous la coupe, le chapeau, en fait, de Wall Street et puis de la City de Londres. Alors, vous voyez tous ces pays tomber l'un derrière l'autre, les derniers qu'on veut faire tomber, évidemment, la Russie, la Syrie, et puis l'Iran, la Libye s'est trouvée sur le chemin. Vous avez la Yougoslavie, l'Irak, ainsi de suite. Alors, tous ces pays ont commis l'affreuse erreur de vouloir miner l'hégémonie du dollar américain. lequel doit être utilisé dans cette équation dans les échanges commerciaux, dont de pétrole dans le monde. Donc le pétrole, c'est pas juste un outil de contrôle pour la population, mais c'est un outil de contrôle des gouvernements aussi, de l'économie mondiale, ainsi de suite, des ressources naturelles. Alors, c'est très important à comprendre. Donc, cette histoire de plafond d'endettement aux États-Unis, c'est un peu une fausse histoire. En même temps, ça révèle l'ampleur du système. Une chose est certaine, c'est qu'on parle ici de possibles défauts techniques là, sur la dette, là, en fait, de problèmes de paiement. Alors, bon, on en parle depuis des années de ça, là, donc il faut arrêter de s'en faire avec ça. Là. Ça fait longtemps que, économiquement, les États-Unis sont morts, là. Donc, un autre ici, article qui parle de Jay Taylor, qui parle de les manipulations concernant le secteur des métaux précieux, dont l'or, alors qui lui parle de l'or qui est artificiellement maintenu bas dans son prix. Pourquoi? Parce que, ben, on sait bien que si le prix des métaux précieux s'excite et monte en flèche, c'est que c'est un signe évident que les gens comprennent que l'argent fiat, l'argent de papier, ne vaut plus rien. Ils en ont tellement imprimé que elle a perdu de sa valeur et c'est ce qui cause en réalité la véritable inflation. C'est ça l'inflation, c'est la perte de valeur nominale de votre argent. Donc, ça prend beaucoup plus des mêmes petits billets pour acheter des mêmes choses du passé. Ce qui fait qu'une once d'or coûtait il y a 20 ans 300$, maintenant ça en vaut quoi, 1700$? L'once, c'est ça la réalité. Une maison ici au Québec coûtait peut-être une vingtaine de mille de dollars canadiens il y a 30 ans. Maintenant, la même maison en vaut 200 000. Écoutez, c'est les mêmes matériaux là, qui sont dans la même maison. Hein? C'est les mêmes murs, le même toit. C'est sûr qu'on fait des rénovations et ainsi de suite. Mais bon, c'est quand même la même maison. C'est le même terrain et ainsi de suite. Et puis, la maison, maintenant, vaut 10 fois plus. Alors, c'est pas qu'elle vaut 10 fois plus, c'est que votre argent vaut 10 fois moins. C'est important à comprendre. Et puis, évidemment, de plus en plus de personnes prennent conscience de ça. Les gens achètent de l'or physique et la stockent physiquement chez eux. L'argent, la même affaire. Et puis, on doit maintenir les cours des métaux précieux artificiellement bas pour éviter une panique, ce qu'on appelle une bank run, où les gens courent à la banque pour retirer leur épargne. Parce qu'on sait très bien que dans ce système-là, il n'existe pas assez d'argent pour les... si, en fait, dans le cas, dans l'éventualité où les épargnants arrivaient dans des vagues massives, comme ça s'est passé il y a à peu près un an et demi, deux ans, la Northern Bank, je pense, en Angleterre, là. Alors, les gens, à un moment donné, perdent confiance dans le système puis ont peur qu'ils ne reverront pas leur argent, que les guichets vont fermer, ainsi de suite. Alors, ils vont retirer leur argent de la banque. Et puis, à ce moment-là, quand les gens le font de façon massive, ben on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a pas assez d'argent liquide dans le système pour satisfaire la demande de tous les gens. Alors, il arrive un moment donné où la banque dit « Eh ben on n'a plus d'argent, on ferme les portes, merci, bonjour, au revoir. » Donc, c'est de ça qu'on parle. Un autre article qui parle de la classe moyenne en Amérique qui est tout simplement balayée. Alors, on parle dans cet article de 60 faits qui prouvent cette tendance. Alors, la classe moyenne aux États-Unis qui est systématiquement détruite et puis personne qui, dans le fond, ne fait grand-chose pour arrêter cette tendance. Alors, vous avez vos revenus qui... les revenus américains, mais c'est pareil partout dans nos pays, là, qui sont en train de s'effondrer. Et puis, écoutez, on se retrouve dans des situations de plus en plus difficiles où la pauvreté commence à être généralisée. Vous avez des marges de la population, comme ici aux États-Unis, là, on parle grosso modo aux États-Unis, là, écoutez, chers auditeurs, là, on parle d'une marge de 40% de la population... Un bon 40% de la population. Vraiment, là, je parle de chiffres solides, là, réellement, là. On parle pas des chiffres officiels, là, des vrais chiffres, là, sur le terrain. Vraies statistiques, là, réelles. On parle d'une facile 30, là, c'est sûr certain. Mais 40%, là, même de la population aux États-Unis qui vit dans la pauvreté, sous le seuil de la pauvreté, qui ont peine à manger à chaque jour. Ça, c'est la réalité aux États-Unis. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça. Ici, vous avez le fameux économiste Mark Faber qui est apparu sur Bloomberg TV et qui a donné un avertissement direct aux investisseurs disant que les politiques monétaires des États-Unis vont détruire le monde. C'était textuellement les mots qu'il a dit en se référant à ce fameux nouveau round là, de stimulus qu'on appelle le fameux assouplissement financier qui est finalement, écoutez là, on monétise la dette. Donc on imprime des billets là, mais on dévalue la monnaie parce qu'on imprime des quantités d'argent incroyables dans le système. Donc c'est ce que la Fed aux États-Unis, la Banque centrale planifie lancer cette année. Donc vous avez plusieurs experts, économistes, instituts qui disent écoutez là, ça va être c'est la fin d'un système. Vous avez en Espagne aussi des manifestations importantes là qui se sont levées un peu partout, même dans plusieurs pays là de l'Europe, pour manifester contre ces fameuses mesures d'austérité qu'on veut imposer à la population partout. Alors, des manifestations massives à Madrid qui ont parfois tourné à la violence. Donc, écoutez, c'est vraiment un phénomène global. Dans un autre ordre d'idées, nouvelle importante que j'ai trouvée cette semaine dans les médias provenant de la NASA aux États-Unis, qui déclare qu'on pourrait être sur le bord d'un événement qu'on appelle, là, je vais vous le dire en anglais, le Mini Mounder. J'ai oublié en français. Je pourrais peut-être faire une petite recherche rapide là, sur l'Internet. Je vais revenir rapidement au fur et à mesure que je vous parle. Là. C'est en fait plusieurs scientifiques, en fait, tous les scientifiques climatologistes là, du climat, en fait, sont d'accord sur le fait des les effets du soleil sur le climat de la Terre, évidemment, dans une certaine mesure. Là. Alors, ce qui arrive ici, c'est qu'on parle de scientifiques cette semaine qui travaillent au US Solar Observatory, donc à l'Observatoire solaire des États-Unis, et aussi du laboratoire de recherche de la US Air Force aux États-Unis, qui ont découvert, à leur grande surprise, que l'activité du soleil est en déclin, et puis qu'on pourrait, dans le fond, faire l'expérience d'une période solaire, si on veut, très basse. La plus basse qu'on a vue depuis, en fait, même remontant aux années 1645 à 1715. Alors, écoutez, ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on parlait tout le temps de réchauffement climatique, ainsi de suite. Et puis là, ben, écoutez, chers auditeurs, ce qui se passe, là, c'est que finalement, c'est peut-être pas tant ça qui va se passer, mais plutôt... en fait, un refroidissement climatique. Et puis ça fait quand même un bon moment donné que je vous en parle. C'est de plus en plus de quoi qui est officiel, qu'on observe et puis qu'on commence à voir de façon objective. Alors, je le trouve pas le mini Mounder, là, mais c'est une période, une mini-âge glaciaire là, qu'on a connue il y a quelques centaines d'années, là. Dont je vous parlais un peu plus tôt, là, mais je cherchais sur Internet là, la traduction exacte, là, mais vous allez savoir de quoi je parle. Et puis, ce qui se trouve, c'est ça, c'est que la planète risque de rentrer dans une ère, une mini-ère glaciaire, en tout cas pendant plusieurs années, sinon plusieurs décennies, à cause de cette plus basse activité solaire, cette activité solaire réduite. Alors, ça, c'est un article fort intéressant qui a été, en fait, des rapports qui ont été publiés là, par NASA là, cette semaine. Donc, on parle d'une période avec, en fait, où on trouve un nombre anormalement bas, si on veut, là, de nombre de taches solaires. Ce qui est relié, là, qu'on a observé là, de façon très scientifique, là, lié à des températures plus basses partout sur la planète Terre. Donc, on parle de ce Mounder Minimum qui a été une période de 70 ans, là, une période de 70 ans de déficit de taches solaires qui s'est produite à la fin du 17e siècle et au début du 18e siècle, qui se trouve à être la, la part la plus froide de ce qu'on a appelé la mini-âge glaciaire, durant laquelle l'Europe et l'Amérique du Nord ont été sujets à des froids, en fait des hivers très froids, même très sibériens, disons. Donc, évidemment que les cultures, même durant l'été, en ont été affectées, ainsi de suite. Donc, nouvelle très intéressante. Donc, il est en rafale maintenant pour quelques petites nouvelles avant que l'émission se termine. Là, on arrive quasiment à la fin. Là, il reste à peine 2-3 minutes, chers auditeurs. Une vidéo ici sur les antidépresseurs qui créent des tueurs. Alors, ça aussi, j'en avais parlé souvent dans le passé. Je reviens avec ça. Ça sort continuellement. Il y a des fondements à ça. Sauf qu'on ne veut pas en parler, surtout les grosses compagnies pharmaceutiques qui, dans le fond, payent des sommes astronomiques pour la publicité dans les grands médias, donc qui ne veulent pas les échafourer, donc leur faire peur, les faire fuir. On a besoin de ces revenus publicitaires qui sont d'ailleurs à la chute, surtout que le nombre de lecteurs et puis d'éditoriaux des grands médias visuels aussi sont en chute libre. Alors, c'est un fait qu'on essaye de vous cacher, carrément, mais c'est qu'en réalité, c'est pas tant les fusils qui sont dangereux, pas tant non plus les jeux vidéo violents, quoi qu'ils ne sont pas non plus innocents là-dedans, mais c'est quoi le facteur unifiant qui sont derrière quasiment virtuellement toutes les tueries là, avec des fusils, des armes à feu dans toutes les écoles aux États-Unis, c'est ces fameux médicaments antidépresseurs. Et puis quasiment un blackout total sur ce sujet dans les nouvelles. Ça peut paraître un peu étonnant à entendre, là. Mais si vraiment vous allez faire vos recherches, vous allez voir que c'est vrai, là, c'est un fait, là, j'ai fait des recherches, là. Je suis ça de proche aussi depuis plusieurs années. J'ai vraiment plusieurs documents, une grosse banque d'informations par rapport à ça. Effectivement, la plupart des tueurs qui sont entrés dans des écoles comme ça, qui ont tué des gens d'une façon complètement absolument ahurissante, là, complètement démentielle, là. Dont la dernière tuerie absolument émouvante aux États-Unis avec des jeunes enfants, c'est incroyable. La plupart de ces gens-là étaient sous l'effet d'antidépresseurs, puis ça a été montré par plusieurs études que ces fameux antidépresseurs sont tellement puissants qu'ils modifient la chimie du cerveau de façon permanente et font entrer les gens qui les prennent parfois, là, pas chez tous les sujets, mais dans des moments de genre de démence et de déconnexion totale avec tout sentiment pour la vie, et puis sont pris de pulsions extrêmement violentes et autodestructrices. Alors, c'est assez spécial, mais on n'en parle pas. Alors, une vidéo qui parle de ça, mais comme je vous dis, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, écrivez-moi, je vais vous envoyer un paquet de documentation là-dessus. Il y en a beaucoup de documentation là-dessus, vous allez voir, c'est très intéressant. Selon une récente étude, en fait, c'est un sondage aux États-Unis. Il paraît que le Congrès américain est plus populaire que ce qu'on appelle les meth labs, alors les laboratoires d'amphétamines et ce qu'on dit les les bullies là, sur les playgrounds, là, les jeux, les terrains de jeu, là, les gens qui cherchent à vous intimider, mais qu'apparemment que le Congrès américain est moins populaire que les coquerelles. Puis les traitements de canal. Alors, vous avez une vidéo qui parle de ça. Assez étonnant. Donc, voilà, on arrive pas mal à la fin de l'émission, chers auditeurs. Donc, je vais pas entamer ce fameux sujet des 25 nouvelles les plus censurées de 2012, mais je le ferai la semaine prochaine. Ce sera une bonne émission pour partir avec ça. Donc, vous allez voir, très intéressant de voir ça. Puis ça va faire en même temps une excellente revue des événements assez marquants puis importants de 2012. Donc, on aura ça au programme de l'émission prochaine. Vous le saurez. Donc, soyez au rendez-vous. Nous y serons aussi. Donc, ce fut un plaisir d'être avec vous pour une 216e fois. Donc, un plaisir tout le temps d'être là. Partagez l'émission, hein, s'il vous plaît, allez poster les liens partout, partagez l'information. Vous êtes mes alliés là-dedans. Là, j'ai besoin de vous, là, réellement. Là, je vous le dis bien humblement. Là, l'émission doit grandir, doit se propager. S'il vous plaît, là, partagez les liens partout, créez des pages, je m'en fous, Facebook, whatever. Là, partagez l'information. Faites ça pour moi. Moi, je vais continuer de travailler pour vous autres, rapporter les nouvelles les plus importantes de la semaine, comme je le fais depuis 2007. Alors, C'était François Marginal pour L'Autre Monde. Je vous salue bien bas, je vous embrasse. Ciao. Merci d'être à l'écoute. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye.